Ouais, gros. Écoute, écoute, écoute ça. 2005. Accueille Sacha Perraspy. Pino Pissou. Ouais, ouais. Ça, FDR sur le beat, trop vénère dans les gaucheries. C'est le chaperon vert qui te fait détruire. Mon rap n'est pas trident, mais t'attrape comme un trident. Si on contre nos dents, nous titrinons sur les bancs. On n'est pas forcément des brigands, mais on marche au carburant pour défendre notre département. Vu que sur ciment, c'est ardent. Fais attention à tes dents, c'est imminent. Mes élocutions provoquent ton électrocution. Mon écusson dans le son, FDR te demande une rançon pour ne pas te mettre à l'amende. Ça même si qui est vivu sous un autre angle. Je suis cran. Et je t'étrangle, et je te coupe la langue, et dégâts à tout mon gang. Tu sais, achapper une belle bande d'enfoirés, viens nous y retrouver. Pixou et Pino qui te pinent en duo. Écarte pas ton coup du cul sur l'instru, quand ma cruse tu fais chaud. Toi tu tues des aisselles, pendant que mon rap est fait. T'es excellent, toujours en mouvement. 94 mon département. Génération RAP, ça la peine, nous tester quoi? Pas la peine, désolé de te faire de la peine. On a dû sortir la peine, pour que tu te rappelles comment on s'appelle. On te les peine, A-R-C-U-E-I-N. Ouais, ouais, A-R-C-U-E-I-N. Ouais, ouais. Écoute ça gros, 9-4-1-0, ouais. Je me pose sur ce beat avec Pipsou. Et ouais ma gueule c'est pas du rap à 3 sous. Et pour les mecs vénères qui sous alcool sont morts sous. Ça décolle, je déconne, je t'étonne, ça sonne. C'est nous, on t'assomme, mec t'as le seum. On somme, notre bon shit, c'est technique. Tu reviens, ça t'agite, pas trop. Envoie le cash, fais ça vite. Je dois faire du Jean-Jean, façon intelligent Jean. Vendre un marque, carré menu ou Jean-Jean. 2005, je demande Jean-Jean. Rien qui change, c'est étrange du système. Faut qu'on se venge, à quand la prochaine révolution. On shit dessus, l'état nous met trop la pression. Comme à l'ancienne, souviens-toi de l'époque de la Marseillaise. C'est hardcore, on a même décapité Louis XVI. Bâtard, l'Elysée lui sait qu'il est intouchable, ne crois pas capable de refaire la même. Nous la mettre, c'est même pas la peine. Génération RAP, c'est à la haine. Nous qu'est-ce quoi? Pas la peine. Désolé de te faire de la peine. On a dû sortir la peine pour que tu te rappelles comment on s'appelle. Pour que les peines A-R-C-U-E-I-N. Ouais, ouais, A-R-C-U-E-I-N. Là où tu vis, on m'a dit que vous vous preniez pour des bandits. En vous trémoussant sur du brandy. Moi je brandis mon micro et je crie les ennuis et les envies de moi et tous mes amis. C'est pour ça que mes rimes font les streams sur le gym. Je fais pas de mime, ma dream team pratique l'ultime attacking. C'est plus mort de rime, les chasseurs de crime. Quand même si un crime, autrement je t'inscris à la crime. Du bout de ma mine, j't'extermine, ça termine. Mon enfant, tu remines de l'héroïne. Ton héroïne, c'est le Dr Queen. Toi tu fumes, de ta passée au queen. Moi je suis le king, c'est le MIC qui débarque. Back, man in chat, des killers, ça étrangle à l'écharpe. Souviens-toi, 7-0, t'as mis le échappe. Quand tu nous vois sur le terrain ou sur le bitume, tu t'échappes. Son lourd de R, du bon rap et de fer. Et faire bouger tous les frères, je pense que ça va le faire. Qu'ils s'emboîtent avec l'ego, ramène les qu'on s'emboîte comme des Legos. Sur ce mort, façon trip ego. Fort, on n'écrase pas comme un mégot. J'ai dit du potentiel, dédicace au potentiel. Ici le Soupi et nos pis. Et ouais, c'est pas la vie de Snoopy. Arrache-toi, je garderai la goupie. Quoi, t'es encore là, bah tant pis. Tu perds qu'une sortie. Mets ton or à la Master Tick. C'est moi le Barracuda. Génération RAP, qu'à la haine, nous tester quoi? Pas la peine, désolé de te faire de la peine. On a dû sortir la peine pour que tu te rappelles comment on s'appelle. On te les peine, A-R-C-U-E-I-L. Ouais, ouais, A-R-C-U-E-I-L. Ouais, ouais, ouais, gros, c'est une nouvelle cool. Oh, en duo sur le morceau, à tout s'associer à Chapéra Spy, gros. Aïe, aïe, aïe.